Jacob fils de Zébédée, à Jérusalem. Actes et martyrs de Jacques, fils de Zébédée, Smith-Lewis 1904. Jacques le Majeur, de Bethsaïda, est le frère de l'apôtre Jean, tous deux fils de Zébédée et de Marie Salomé. Il fut un des premiers à quitter Jérusalem pour l'Espagne après qu'ils eurent partagé le monde. Il y demeura environ 4 ans durant lesquels il fit plusieurs voyages, où il fut exposé à de grandes épreuves et poursuivi de toutes les façons, et il eut souvent à soutenir des discussions avec des savants. Avant d'arriver en Espagne, il longea la Sicile et passa à travers les îles de la Grèce. Ensuite il allait longtemps sur les îlots à distance considérable de l'Espagne, jusqu'à ce qu'il arrive à un détroit semblable à celui qui sépare la France de l'Angleterre. Il arriva à Gadis où on ne voulut pas recevoir ses enseignements. Il se dirigea ensuite dans une autre ville où il fut arrêté et délivré d'une façon miraculeuse. Il partit ensuite pour Rome, accompagné de 2 disciples, laissant en Espagne 7 ou 8 disciples pour continuer ses enseignements. Il passa par Marseille, sans voir Lazare et ses sœurs, qui étaient alors plus avant dans les terres. Il enseigna en différents lieux jusqu'à Rome, voyage d'environ 6 mois. Jacques retourna ensuite à Gadis en Espagne, où un nombre de chrétiens était arrivé. Il s'embarqua avec plusieurs disciples et allèrent à César Augusta, Saragosse, où Jacques convertit un grand nombre d'habitants. Des rues entières se donnèrent au Seigneur, et chassèrent les païens qui leur voulaient du mal. Il fut exposé à de grands dangers, des magiciens le poursuivirent de leurs sortilèges maléfiques, des idolâtres avaient lancé des serpents sur l'apôtre, mais il les prit dans les mains sans mal. À Grenade, dès qu'il commença à prêcher, on l'arrêta avec tous ceux qu'il avait convertis. Il alla dans la Galice, nord-ouest de l'Espagne, et revint à Saragosse, où il reçut l'ordre, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, de fonder une église à Compostelle, puis de revenir à Jérusalem. À son retour à Jérusalem, il fut arrêté parce qu'il prêchait, et on lui trancha la tête. Avant sa mise à mort, Jacques pria pour la guérison d'un paralytique et d'un aveugle, et convertit Josias, l'un des accusateurs, et Hérode mourut peu de temps après. Les disciples transportèrent son corps en Espagne, avec Joseph d'Arimathie, Ctésiphon et Saturnin qui avaient prêché l'évangile en Espagne. Mais la reine Lupa qui avait persécuté l'apôtre, ne voulut pas qu'on enterrât ses restes. Les disciples les déposèrent sur une pierre qui se creusa sous eux en forme de tombeau et les autres cadavres à côté du sien furent rejetés du sein de la terre. Lupa et le roi les firent poursuivre par des cavaliers qui périrent sur le pont où ils passaient et furent engloutis dans les îlots. Lupa fit dire aux disciples de chercher des taureaux sauvages dans un désert. Elle leur permettrait de bâtir une église si les taureaux emmenaient le cadavre. Au désert, les taureaux se laissèrent prendre et transportèrent le corps du saint martyr jusqu'au château de la reine, où il fut enterré à peu de distance. Son corps fut transporté plus tard à Compostelle, après que le château de la reine fut transformé en église suite à la conversion de Lupa avec tout son peuple. Le disciple de Jacob, nommé Saturnin, était né à Patras en Grèce, de parents illustres. Il avait quitté ses parents pour se rendre auprès de Jean le Baptiste et devint son ardent disciple. Après le baptême de Jésus-Christ, Jean le Baptiste lui dit que Jésus était infiniment plus grand que lui. Dès lors il s'attacha à Jésus et ne le quitta plus. Il baptisait les nouveaux croyants durant le ministère de Jésus. Après la crucifixion du Sauveur, Saturnin a d'abord prêché l'Évangile en Orient jusqu'aux frontières de la Perse. Il travaillait beaucoup, fit de lointains voyages, et baptisa un nombre considérable de personnes. Dans le pays où il fut martyrisé, il y fit beaucoup de bien et fonda un nombre considérable d'églises. Il mourut dans une ville nommée Toulouse où les idoles s'étaient renversées à son arrivée. Puis les habitants le maltraitèrent en l'attachant à des taureaux qui le mutilèrent. Fin de la vision d'Hémorique. Jacob le fils de Zébédée partit annoncer la nouvelle aux 12 tribus dispersées. Aucune des tribus ne servait le vrai Dieu, Mais chacune d'elles avait établi une idole, et pour chaque idole une doctrine qui les égarait. Ils étaient sous le pouvoir d'Hérode et lui payaient tribut de différentes manières. Son autorité et son royaume s'accrurent en raison des nombreux biens qui lui venaient de ses sources. Voici ce qui arriva quand Jacob partit leur annoncer la nouvelle à chaque tribu. Le Seigneur lui inspira la connaissance des langues, non seulement humaines, mais aussi celles des oiseaux, du bétail, des bêtes sauvages. Et lorsqu'ils parlaient dans leur langage, le disciple savait ce qu'ils disaient grâce à l'Esprit. Jacob annonça parmi eux dans leur propre dialecte, leur déclarant de changer leurs agissements et croire au vrai Dieu, le Père qui a donné vie à tous. Lui, que tous les esprits tiennent dans sa main, juge des vivants et des morts, et en son Fils Jésus. Le don d'esprit descendait sur eux aussitôt qu'ils disaient. Donnez tous vos biens aux pauvres pour le salut de vos âmes, ne donnez pas aux rois terrestres. La crainte de Dieu venait se fixer fermement dans leur cœur. Les nouvelles se répandirent dans toutes leurs frontières, parce qu'ils croyaient à la parole de Jacob. Ceux qui approchaient avec sincérité reçurent la parole du Seigneur que Jacob annonçait et ils agirent en accord à leur foi en Jésus-Christ en renonçant à toutes les idoles qu'ils vénéraient et à leurs mauvais agissements. Par la beauté de leur foi, ils construisirent des églises à toutes leurs frontières. Ils étaient pleins de joie, Jacob les baptisa dans le nom de la Sainte Trinité et ils reçurent son enseignement avec clairvoyance. Il leur enseigna les préceptes de la foi et les lois de la religion de Moïse en leur disant « Écoutez enfants bénis. Le Seigneur Jésus-Christ vous a fait connaître la vérité et vous a trouvé digne de recevoir la purification par son corps et son sang. Voici je vous ai donné les vérités que Dieu m'a confiées pour les enseigner à tous les peuples. Ceux qui les reçoivent avec joie seront toujours triomphants dans le paradis éternel du Seigneur. » Voici pour chacune des tribus que le Seigneur a trouvé digne d'être à lui. Que vos fruits, vos vignes, vos champs, votre bétail, soient aussi au Seigneur. Et chaque tribu remit à l'Église tout ce qu'il possédait, la multitude acceptait en disant « Nous ferons ce que tu nous as dit, du plus vieux au plus jeune, car nous croyons en Dieu de tous nos cœurs. » Hérode s'étonna beaucoup quand il entendit tout sur leur foi et sur leurs offrandes à leurs églises. Mais il apprit d'un mauvais homme qu'un disciple de Jésus-Christ parmi eux leur apprenait à ne pas donner leurs biens au roi de la terre, ni de rendre tribut à l'empereur Néro et au gouverneur Hérode, mais de donner au Seigneur Jésus-Christ, roi du ciel et de la terre. Quand le roi entendit cela ainsi, il donna l'ordre qu'on lui amène le disciple Jacob. Quand il le vit, il lui dit « Tu mérites de mourir à cause de tes actes. De quelle nation es-tu, en qui crois-tu ? Je crois en Jésus-Christ, Seigneur des Nazaréens, Fils du Dieu vivant, Seigneur des esprits de tout ce qui est sur terre et au ciel. Tous sont dans sa main, lui répondit le disciple béni. Toi aussi Hérode, ainsi que l'empereur Néron. Vos esprits sont dans sa main. Car il a autorité sur votre royaume. » Hérode et l'empereur Néro avaient entendu parler du disciple Jacob, qui se moquait de leur royauté et avait leurs idoles en mépris. Il entra aussitôt dans une grande colère et s'avança pour frapper d'une épée le saint aux épaules, disant « Je ne peux pas supporter que tu me donnes d'autres réponses. » Jacob le fils de Zébédée rendit l'âme dans l'heure et finit son témoignage.